puisqu'il faut mourir, autant mourir d'hiver. Ne rien se souvenir, un bâillon sur hier. Elle m'a quitté la vie, elle me jette au fossé. Elle m'avait toujours dit, un jour je vais me tirer. Je veux ma tombe, là où je tombe. Surtout ne pleurez pas, je valais comme mes bafouilles. Pour tout dernier repas, un sandwich à l'andouille. Une bonne bouteille de Côte du Rhône, et c'est bien sûr gravir la dernière côte vers Dieu et ses injures. Je veux ma tombe, là où je tombe. Mes enfants, je vous aimais, je vous aimerai toujours. J'étais à la vie, à l'amour. Je pissais au cul de l'homme, jamais au pied des arbres. Comme la vie m'abandonne, c'est la mort que je sabre. Je veux ma tombe, là où je tombe. Y a-t-il quelqu'un sur terre qui m'ait vraiment compris? Les autres, si c'est l'enfer, ils sont des amis. Je suis ni mal ni bien, et alors c'est un droit de mon corps galérien. Je vous laisse un petit doigt. Je veux ma tombe, là où je tombe. Passion de l'inutile, telle était ma passion. Funambule sans un fil, missionnaire sans mission. Je ne fus jamais déçu, encore moins satisfait. J'étais l'amant cocu, et ça, c'était parfait. Je garde de mes jours quelques belles journées. À mon dernier discours, ma première pensée. Un petit gosse dans la nuit qui cherchait sa maman. Des visages qui s'enfuient, des pluies de jour de l'an. Je veux ma tombe, là où je tombe. Et s'il me reste encore un tout petit moment, je veux trinquer sans peur, vivre un dernier instant. Seconde.